Autrefois, les ateliers de couturière et tout ça, c'était des ateliers où ils chantaient sans arrêt. Ils discutaient pas, ils chantaient. Ils chantaient toujours. Quelqu'un chantait une chanson, les autres prenaient, et une fois qu'ils les savaient, tout le monde chantait en même temps. Ça faisait partie du métier, en fait. Voilà, ça faisait presque partie.